إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 73 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah dans son commentaire qui s'intitule en arabe At-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et donc on est toujours dans le même sujet à propos de la salat et du fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné et a ordonné la modération de la salat comme dans tous les autres aspects de la religion. Il nous a interdit le laxisme ou l'extrémisme, toute forme d'exagération dans la religion. Et donc il continue à donner, Cheikh l'Islam, il continue à donner des exemples à ce sujet. Il dit كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه وعليكم السلام ورحمة الله فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. نعم سبحان الله. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va inshallah, d'habitude qu'est-ce que je fais, je lis tous les hadiths puis après je les traduis un par un. Je pense que c'est mieux de les traduire un à la fois au lieu de lire tout puis de traduire par la suite. D'accord, donc le premier hadith, il dit, c'est rapporté selon ou bien plutôt Abu Qaz'a, il a rapporté, il a dit je suis allé voir Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, et au moment où je suis allé le voir, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Lorsque les gens se sont séparés de lui, j'ai dit, je ne veux pas te demander la même chose que ces gens-là t'ont demandé. C'est-à-dire, là, je vais te poser une question, mais la question au sujet de laquelle je veux te poser, yani, c'est pas le même sujet que ce que ces gens-là te demandaient. Alors, Abu Sa'id al-Khudri a dit, il lui a dit, je veux te demander, en fait, il a dit, ce que je veux te demander, c'est au sujet de la salat du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Sa'id al-Khudri a dit, il n'y a pas de bien dans ça pour toi. Alors Abu Qaz'a a répété sa question encore, c'est-à-dire il a répété sa demande, hein? Il a redemandé encore une fois, il a insisté, et là Abu Sa'id al-Khudri lui a répondu en disant, la salat de Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait quand il commençait la salat de Dhuhr, il dit, l'un d'entre nous avait le temps d'aller jusqu'au Baqi'a. Le Baqi'a, c'est le cimetière qui se situe à l'est de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, on avait le temps d'aller au Baqi'a, faire nos besoins, puis ensuite d'aller voir notre famille, de faire notre wudu, puis de revenir à la mosquée. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était encore dans la première raka'a. Donc ça montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa salat, parfois, elle était longue. Hein? Donc il avait le temps d'aller au baqir, faire ses besoins, d'aller à chez lui, faire le wudu, et d'aller à la mosquée. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était encore dans la première raka'a. Et il dit, wa fi riwaya, mimma yutawwiluha. C'est-à-dire, dans une autre narration, il y a un ajout qui dit du fait qu'il la prolongeait, la première raka'a. Ça, c'est rapporté par Muslim dans son Sahih. فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَأَى صَلَاةَ النَّاسِ أَنْقَصْ مِنْ هَذَا. Il dit, ça, c'est la preuve que Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il voyait que la prière des gens était moins que ça. Hein? Avait diminué par rapport à ça. Il dit, وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا بالصفات. رواه أحمد والنسائي. Donc le cheikh il dit que dans Al-Bukhari Muslim, c'est rapporté selon Abu Barza, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait salat al-subh. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit salat al-subh, c'est la prière de l'aube. Et il dit que au moment où les gens s'en retournaient chez eux, quand ils finissaient la salat, eh bien on était capable de reconnaître la personne assise à côté de nous. Parce que dans l'autre hadith qu'on a lu au dernier cours, ça disait que quand il commençait la salat, les gens ne pouvaient pas se reconnaître les uns les autres à cause de la noirceur. Hein? Mais après que la salat terminait, ils pouvaient se reconnaître. Pourquoi? Parce que la clarté commençait à devenir plus grande. Et il récitait dans les deux rak'a, ou bien une des deux raka'a, entre 60 et 100 versets. Entre 60 et 100 versets. Ça, c'est la version de Al-Bukhari. Après, le cheikh, il dit, وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف. C'est rapporté selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que il nous ordonnait d'alléger la prière, de ne pas la faire trop lourde, et lui-même, il nous dirigeait dans la prière avec la surat As-Saffat. As-Saffat. Donc As-Saffat, c'est une surat qui est assez longue. Hein? Donc ça c'est rapporté par Ahmad ou Nasa'i. وعن الضحاك ابن عثمان عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن سليمان ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل رواه النسائي وابن ماجه وهذا إسناد على شرط مسلم. Donc le cheikh il dit c'est rapporté selon Ad-Dahhak ibn Uthman, selon Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashaj, selon Sulayman ibn Yasar, selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui l'a dit, j'ai prié derrière le messager d'Allah, et, ou bien plutôt il dit, je n'ai jamais prié derrière quelqu'un dont la prière ressemblait plus à la prière du messager d'Allah qu'un tel. Et Sulayman ibn Yasar, qui est un des narrateurs dans le hadith, il dit, il prolongeait les deux rak'a, les deux premières rak'a de la salat de Zohor. Il prolongeait les deux premières rak'a de salat de Zohor et il allégeait les deux dernières. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, il allégeait salat al-Asr. Il la faisait plus légère. Puis il récitait, dans Salat al-Maghrib, il récitait les courtes parmi les Mufassal, parmi les dernières sourates. Il récitait pour le Maghrib les courtes parmi les Mufassal. Et pour le Isha, il récitait les moyennes parmi les Mufassal, c'est-à-dire les courtes sourates qui sont à la fin du Coran. Et pour le Subh, il récitait les langues parmi les Mufassal. On a déjà expliqué que le Mufassal, ça commence à partir de Qaf jusqu'à la fin du Coran. Donc il y a les langues, celles qui sont plus proches de Qaf, et après il y a les moyennes, et après il y a les courtes dans le dernier Juz, le Juz Amma. Il y a à la moitié du Juz Amma à peu près. Donc, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Maghreb, il récitait les courtes, al-mufassal, al-isha, il récitait les moyennes, et al-fajr, al-subh, il récitait les langues. Wad-Dahhak ibn Uthman qala fihi Ahmad wa Yahya huwa thiqa, wa qala fihi ibn Sa'd kana thabtan. ويدل على ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مؤنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان إلى السحراء. Donc il dit le cheikh ici que Ad-Dahhak ibn Uthman, Ahmad et Yahya ont dit à son sujet qu'il est thiqa, c'est-à-dire qu'il est fiable, hein, qu'il est authentique, qu'il est fiable. Et Ibn Sa'd a dit à son sujet qu'il est thabtan. Donc ça c'est des choses pour désigner que la personne en question elle est fiable dans sa transmission du hadith. Et il dit voyadullu, et il y a des choses qui, il y a, parmi ce qui indique et qui prouve qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on a mentionné plus tôt, ce qui a été rapporté par l'imam muslim dans son sahih selon Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la longueur de la salat de l'homme et c'est-à-dire la longueur de sa salat et la courté, la courté, hein, ou le fait que sa khutba soit courte, hein, la longueur de sa salat et le fait que sa khutba soit courte, ça montre la compréhension, hein, de la personne dans la religion. Ça montre le niveau de compréhension que la personne a dans sa religion. Quand elle fait une khutbah courte, puis elle prie une longue salat pour le Jumu'ah. Hein? Alors il a dit, alors prolongez votre salat et raccourcissez la khutbah. Il dit, wa inna min al bayan ila sihra. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit qu'il y a des sortes, il y a des formes d'explications. Des formes des façons de s'exprimer, de s'expliquer qui sont magiques, hein, tellement elles sont efficaces. C'est comme si c'était de la sorcellerie ou de la magie, tellement il y en a qui savent bien parler et s'exprimer clairement. Et le cheikh, il termine, cheikh l'islam, il termine ça après, il dit « وَقَدْ جَعَلَ طُولَ الصَّلَاةِ عَلَامَةً عَلَى فِقْهِ الرَّجُلِ وأمر بإطالتها وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة فإن كان اللفظ عاما فظاهر وإن كان المراد به صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيرها ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوها التي تفعل في وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى والأحاديث في هذا كثيرة. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a fait de la prolongation de la salat un signe de la compréhension de quelqu'un dans sa religion. Et il a ordonné de la prolonger, la prière. Et ça, soit que c'est un ordre qui est général pour toutes les salawat, pour toutes les prières, de prolonger la prière, ou bien que c'est quelque chose qui est qu'est-ce qui est voulu, c'est Salatul Jumu'ah en particulier. Parce que, il dit ici, le terme qui est mentionné dans le hadith est général, alors dans ce cas-là, c'est clair. Mais si on parle ici en particulier de Salatul Jumu'ah, et qu'on voit qu'il ordonne de la prolonger malgré le grand nombre de personnes qui se réunissent pour cette prière-là, qui contient un grand nombre de personnes qui sont faibles, qui sont âgées, qui ont des occupations, qui sont occupées, des choses comme ça. Regardez, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Jumu'ah, qu'on ne retrouve pas peut-être dans les autres salawat. C'est-à-dire on n'aura pas dans les autres salawat autant de gens réunis avec tant d'occupations, puis de faiblesses, puis des gens de tous les âges et des gens qui ont toutes sortes d'occupations. Et sans oublier que cette prière-là, elle est effectuée ou elle est faite au moment de la journée où il commence à faire très chaud. Et elle est précédée de deux khutbas. Hein? Et les autres prières, comme Salatul Fajr, hein, elles sont faites à un moment de la journée où il fait plus frais et où il y a peu de gens, hein, ou moins de gens. Donc ça devrait encore plus être prolongé dans ce cas-là. La prière dans ce cas-là devrait être encore plus prolongée selon cette compréhension-là. Et le cheikh il explique, et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. On va lire les explications de Cheikh Al-Fawzan sur qu'est-ce qu'on a lu comme hadith maintenant pour essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a voulu dire ici. Il dit قَوْلُهُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ. هذا الحديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك صلاته الظهر فإنه كان يطيل الركعة الأولى وينتظر القادم للصلاة بحيث إن الرجل يذهب إلى البقيع لأن المدينة كانت في وقته محصورة في رقعة ضيقة والبقيع خارجها قريب منها فكان الرجل يخرج لقضاء حاجته ثم يعود فيتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن هديه إطالة الركعة الأولى من الظهر والمتأخرون لا يعملون بهذه السنة حيث كانوا يخففون صلاة الظهر فلذلك لما سأل السائل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا خير لك في هذا لأن هذه سنة لا يعمل بها وكون المرء يعلمها ولا يعمل بها فيكون في ذلك حرج عليه فهو قال هذا من باب التبكيت والتوبيخ لا من باب أن السنة لا خير فيها. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique, quand Abu Sa'id Al-Khudri, il a été questionné par Abu Qaz'a, quand il lui demande, je te demande à propos de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de bien dans ça pour toi. Pourquoi Abu Sa'id Al-Khudri, il dit à Abu Qaz'a, il n'y a pas de bien pour toi de savoir ça à propos de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le cheikh il explique, il dit que ce hadith fait partie des hadiths qui expliquent la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la salat de dhuhr, il prolongeait la première raka'a. Et il attendait, yani en prolongeant, il attendait que la personne qui Yani arrive puisse rejoindre la prière. Donc à l'époque Yani du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un avait le temps d'aller jusqu'au baqi faire ses besoins parce qu'à l'époque Al-Madina était limitée à un petit endroit très restreint, c'était pas aussi grand qu'aujourd'hui et Al-Baqi c'était juste en dehors de cet espace là donc c'était très très très proche de Médine, de la mosquée, et donc quelqu'un avait le temps d'aller faire ses besoins, revenir, faire le wudu et attraper la première raka'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre que parmi les exemples de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de prolonger la première raka'a de salat al-dhuhr. Ceux qui sont venus plus tard, parmi les musulmans, ils n'ont pas appliqué cette sunna. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allégeait salat al-dhuhr, il la faisait plus courte, moins longue. Et c'est pour ça que l'homme a posé la question à Abu Sa'id al-Khudri. Et Abu Sa'id lui a dit, il n'y a pas de bien dans ça pour toi de poser cette question. Pourquoi? Il dit, parce que c'est une sunna qui n'était pas appliquée par les gens. C'est-à-dire les imams de l'époque. Dans les mosquées, il n'appliquait pas cette sunna. Et il dit que le fait que quelqu'un connaisse la sunna mais qu'il ne puisse pas l'appliquer, ça devient une gêne pour lui, un embarras. Et donc, dans ce sens-là, c'est une forme de blâme que Abu Sa'id al-Khudri lui disait. Pourquoi tu veux savoir ça alors que tu sais que tu ne pourras pas le faire? Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de bien dans cette sunna, mais pour dire que, en voulant dire, allez, tu veux apprendre ça, mais par la suite, ça va te causer du tort parce que tu ne pourras pas le faire appliquer ni l'appliquer toi-même dans ce sens-là. Après il dit wa qawluhu yusalli as-subh fayansarifu ar-rajul fayarifu jalisahu kana yutilu fi salat al-fajr akthar min ghayriha min as-salawat haythu kana yaqra'u bi rak'atayn aw fi ar-rak'ati al-wahidati ma bayna as-60 ila al-100 aya wa kana yadkhulu fiha bighalas يعني بظلمة وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه من الإسفار فهو يجمع بين التبكير في الصلاة في أول وقتها وتمديدها إلى الإسفار وقل من يعمل بهذه السنة الآن إلا من رحم الله فإن الكثير يخففون ويتأخرون في الإقامة. Le Cheikh il dit à propos de l'autre hadith, l'autre hadith qui est mentionné, c'est que à l'époque les gens ils priaient le subh, et quand la prière s'était terminée, ils pouvaient reconnaître la personne qui était assise à côté d'eux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prolongeait salat al-subh plus que les autres salat, plus que les autres salawat. Donc il y avait deux choses particulières par rapport à salat al-fajr à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est premièrement, comme le cheikh il dit, كان يقرأ بركعتين. Donc dans les deux rak'at ou bien une des deux, il lisait de 60 à 100 versets. La longueur de 60 à 100 versets. Et quand les gens commençaient la prière, ils commençaient alors qu'ils faisaient noir encore. Et lorsqu'ils sortaient de la prière, la personne pouvait reconnaître celle qui était à côté de lui à cause de la clarté qui commençait à augmenter. Donc ça veut dire qu'il réunissait deux choses. La première chose, c'est qu'il faisait la prière très tôt, au début de son temps. Donc salat al-fajr, c'est bien de la prier tôt, dans son temps, lorsque le temps entre. Et deuxièmement, il la prolongeait, c'est-à-dire il la faisait longue, jusqu'à ce qu'on puisse voir de la clarté. Et le cheikh Al-Fawzan il dit, et il y a peu de gens aujourd'hui qui appliquent cette sunna, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils allègent salat al-fajr, ils la font très courte, et parfois ils retardent l'iqama. Ils retardent l'iqama. Des fois ils font l'iqama quand ils commencent déjà à faire clair. Donc c'est pour dire, il faut prolonger la salat. Des fois tu vas dans certaines mosquées, regardez, tu arrives, regardez, 5 minutes, l'imam a déjà fini fajr. Regardez, si la prière de fajr, elle ne dure pas seulement 5 minutes. Parce que 5 minutes, tu ne peux pas lire 60 à 100 versets dedans. Donc il faut que ce soit plus long que ça. Le cheikh il dit ensuite, ولذلك تجد الحاصل اليوم تأخير الإقامة حتى يشق على الناس الانتظار والأمر الآخر تخفيف الصلاة خلافا لصفة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تصرفهم إخلالا بالصلاة والصلاة أمانة في أعناق أئمة المساجد عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيها. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que tu vois maintenant les gens ils retardent l'إقامة à un point que ça devient dur même pour les gens d'attendre. C'est, ils restent dans la mosquée, ils attendent l'iqama, puis regardez, c'est trop long. Ou bien, lorsque le prophète ordonne d'alléger la salat, eux, ils l'allègent d'une manière qui n'est pas en accord avec la description de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a un défaut par la suite dans leur prière, elle n'est pas complète. Et la salat, le cheikh dit, c'est un défaut que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme une charge, une responsabilité sur le cou des imams, sur le dos des imams des mosquées. Et donc, ils doivent craindre Allah dans cette amana, dans ce dépôt qu'Allah leur a donné, cette charge. Il dit, فَإِنَّهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَوَاتِ مَنْ خَلْفَهُمْ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ. C'est-à-dire que le cheikh il dit que l'imam, c'est comme si les gens qui prient derrière lui, ils lui ont donné le dépôt de leur salat. C'est-à-dire, c'est comme si les gens qui prient derrière l'imam, ils disaient à l'imam ou ils donnaient à l'imam la responsabilité de leur prière pour eux. C'est comme si l'imam était chargé de faire la prière pour lui-même ainsi que pour ceux qui sont derrière lui, et c'est une responsabilité pour lui de prier correctement et de la manière la plus parfaite pour que leur prière eux à eux aussi soit correcte. D'accord? Donc l'imam, c'est comme s'il était garant de la prière de ceux qui sont derrière lui. Et le mu'adhdhin, c'est lui aussi, il est chargé d'un dépôt. Il est chargé d'un dépôt qu'il doit respecter. Le cheikh il dit ensuite, قوله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمرنا بالصفات يعني إن التخفيف هو ما يفعله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه والقراءة تختلف باختلاف القراء فربما يقرأ قارئ سورة قصيرة فتصبح أطول من غيرها بسبب تكلفه في القراءة وإخراج القراءة عن حدها بالمدود والغنة وغير ذلك من أحكام التجويد الذي يدعونه يرحمك الله. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait de raccourcir la prière et en même temps lui il nous dirigeait dans la prière avec surat al-Saffat. Al-Saffat c'est une surat qui est relativement assez longue. Mais le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allégeait la prière. L'allègement, c'était lui qui le montrait, qui nous expliquait comment le faire, comme on l'a expliqué dans les cours précédents. Et il dit que la récitation d'une sourate peut être différente d'une personne à une autre, d'un récitateur à un autre. Il dit, tu vas voir que peut-être parfois un récitateur, il va réciter une sourate qui est très courte, mais il va la rendre tellement longue. Pourquoi? Parce que il prolonge les moudoud et les ronda. C'est quoi le moudoud? C'est quand il y a des alephs qui sont réunis, ou bien des sons comme A, quand tu le prolonges. Et aussi, al-ronda, c'est les noun qui sont avec la shadda, ou bien des choses comme ça. Quand il y a des ronda, il y a d'autres formes de ronda aussi, ben c'est pour dire. Des moments que les imams ont tendance à prolonger ces moments-là dans la récitation selon les règles qu'ils prétendent suivre dans le tajwid. Il dit wala yutqinuna aw bi ghayri dhalika min al-ijtihadat li ba'd al-muta'allimin. Il dit c'est des règles qu'ils prétendent suivre qu'ils ne maîtrisent même pas, ou bien c'est des formes d'ijtihad que certains prétendants à la science ont faites et qui font que la prière devient très très lourde pour les gens. Hein? Comme par exemple, des fois tu vas voir un imam qui va réciter surat al-Fatiha, ou bien n'importe quelle autre surat, il peut la réciter normale, mais il y en a d'autres qui vont réciter surat al-Fatiha tellement lente, et tellement prolonger les sons dedans, ça va prendre, très longtemps pour la terminer. Donc c'est des exemples comme ça, il y en a qui exagèrent dans ça. Et il y a plein d'exemples qu'on peut donner, comme par exemple des récitateurs qui ont tendance à faire ça. Ils vont réciter une sourate, la sourate si tu la lisais normalement, ça prend quelques instants à la lire, mais eux ils la font durer 10 minutes, même 15 minutes des fois. Parce qu'ils exagèrent dans ça. Et le cheikh il dit حيث انهم يعمدون الى تطبيق افكارهم وشهاداتهم على الناس ولو اخل فعلهم بصفه الصلاه فعلى من تصدى لهذا الامر ان يراعي هذه المساله. Donc il dit, ils imposent leur propre ijtihad, leur propre jugement, leur propre compréhension sur les gens. Et donc, ça arrive même au point que ça va rendre la prière des gens déficiente parfois. Et donc, ils devraient prendre en considération cette question-là avant de commencer à agir de cette façon-là. Il dit le cheikh, « Wal hasilu annahu laysa ma'na at-tarfif al-ikhlal bis-salat » بل التخفيف الذي معه إتمام وإحسان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصفات وهي سورة طويلة لكن مع هذا مع ذلك رأى الصحابة أنها تخفيف لسهولة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكلف فيها خلاف ما يفعله بعض الأئمة. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que la signification de l'allègement de la prière, ça ne veut pas dire que tu vas rendre la prière déficiente dans ses conditions et dans ses règles. Plutôt de l'alléger tout en la gardant complète et parfaite, en respectant ses règles. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était capable de réciter surat as-Saffat, qui est une longue surah, mais les sahaba, quand ils priaient derrière lui, ils la sentaient comme étant légère et facile. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'exagérait pas dans sa récitation. Il gardait sa récitation simple. Contrairement à ce que font certains imams. Donc le cheikh il dit, فالذي أثنى عليه الراوي كان يتشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المقياس الذي يسير عليه هذا الإمام حيث كان يقرأ في المغرب من قصار المفصل وفي الفجر من طوال المفصل وفي البواقي من أوسط المفصل. Donc c'est ça. Le narrateur, il faisait la, yani, je pense que c'était Souleyman ibn Yassar, il faisait l'éloge de la personne qui priait comme la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle faisait des efforts pour que sa prière ressemble à l'exemple de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il a mentionné la règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait dans ses prières. Donc il a dit que l'imam en question, quand c'était Salat al-Maghrib, il récitait les courtes parmi les Sourates al-Mufassal. Puis quand c'était Salat al-Fajr, il récitait les longues parmi les Mufassal. Et les autres, hein, comme Al-Isha et Al-Asr ou Al-Dhuhr, il récitait les moyennes parmi les Mufassal. Après le Cheikh il dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, إذا طول صلاة الرجل وقصر خطبته مؤنة من فقهه والمقصود أن إطالة صلاة الجمعة وقصر الخطبة علامة على الفقه والفهم ثم قال أطيل الصلاة وأقصر الخطبة فهو أولا أثنى على الذي يطيل صلاة الجمعة ويقصر الخطبة ثم إنه أمر بذلك أي إطالة الصلاة وقصر الخطبة فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وصلاتها. Donc le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith il a dit que la longueur de la salat de l'homme et que le fait que sa khutba soit courte, c'est un signe de son intelligence, de sa compréhension de la religion et c'est un bon signe qu'il a bien compris la religion. Le cheikh il dit wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que de prolonger salat al-jumu'ah, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, de prolonger salat al-jumu'ah et de raccourcir la khutba, c'est un signe que l'imam en question, il a une bonne compréhension. Et il a dit, puis ensuite il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, il a dit, prolongez la salat et raccourcissez la khutba. Donc premièrement, il a fait l'éloge de celui qui prolonge la salat et qui diminue la khutba, qui a raccourci la khutba. Puis ensuite, il a ordonné. Hein? C'est-à-dire, faites la prière plus longue et la khutbah plus courte. Et ça, c'est sa guidance dans la khutbah de Jumu'ah et dans la salat de Jumu'ah. Il a dit, فَكَانَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْطُبُ بِكَلِمَاتٍ مَعْدُودَاتٍ وَكَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ فَيَقْرَأُ تَارَةً بِالْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقُونَ وَتَارَةً يَقْرَأُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَة يَحْفَظُونَ خُطَبَهُ صلى الله عليه وسلم لِقِصَرِهَا حيث كانت كلمات مباركات عظيمة النفع فيها توجيه وعلم وفيها موعظة وتذكير وفيها بركة وخير كثير فليست العبرة بكثرة الكلام وإنما العبرة بالمضمون وجزالة اللفظ وقوة الأداء. أما الكلام الكثير من غير ضبط وفهم فلا فائدة فيه، وهو مخالف للسنة ولا يؤدي الغرض المطلوب. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses khutab, c'était yani des phrases calculées. Il ne parlait pas des, faisait pas des longs discours avec plein de, d'explications détaillées, de choses, plein de choses. Non. Il faisait des paroles calculées et il prolongeait la salat. Parfois il récitait surat al-Jumu'ah, surat al-Munafiqoun. Parfois il récitait Sabbih isma rabbika al-a'la et surat al-Ghashiyah. Et les sahaba, ils mémorisaient les khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement ils étaient courtes. Ils étaient capables de la mémoriser, sa khutbah, quand ils l'écoutaient. Parce que c'était des paroles bénies, qui avaient un grand bienfait dedans, et qui étaient, des khutbah remplis de science et d'exhortation et de rappel. Et donc, il y avait beaucoup de bénédictions dedans et beaucoup de bien. C'est pas la quantité de la parole qui est importante, c'est pas ça qu'on doit prendre en considération. Mais qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est le contenu de la khutbah. Et le fait que tu utilises des termes, peu de termes, mais avec une force dans la façon de le transmettre. Et le cheikh il dit que si tu parles beaucoup, sans aucune règle, sans aucune compréhension, ça ne servira à rien. Et c'est contraire à la sunna, et tu ne vas pas atteindre l'objectif voulu. Le cheikh il dit fal wajib ala al khutaba an yata'ammalu khutaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yuqassir al khutba wa yujzilu yani al lafz wa yurakkiz mawdu'aha حتى يفهمها السامع لأنهم يخطبون في جمع كثير والمجتمعون مختلفون في إدراكهم وفهمهم فلا يركزوا على الفئة المتعلمة ويتركوا العوام من الناس أو يركزوا على العوام ويتركوا فئة المتعلمين بل الواجب أن يراعوا الجميع. Masha'Allah. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'obligation pour les khutbah, les gens qui font la khutbah, c'est qu'ils méditent sur les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les khutbah qu'il faisait. Et qu'ils raccourcissent la khutbah et qu'ils utilisent peu de mots, mais avec beaucoup de signification, et qu'ils se concentrent sur le sujet qu'ils veulent transmettre, pour que les gens qui l'écoutent puissent comprendre. Parce que il parle avec un grand nombre de personnes en même temps. Tout le monde sont réunis et les gens ont des niveaux de compréhension différents. Alors, ils ne doivent pas se concentrer uniquement sur la catégorie de l'auditoire qui est éduqué, puis ils abandonnent le commun des musulmans. Puis il ne doit pas non plus se concentrer uniquement sur le commun des musulmans, puis abandonner la catégorie de la population ou de l'auditoire qui est éduqué. Mais il doit essayer de prendre compte et de tenir compte de tout le monde en même temps. Les gens éduqués et les gens du commun. Et le cheikh il dit « فَالْجُمُعَةُ يَحْضُرُهَا الْأَعْرَابِ وَالْحَضَرِ » ويحضرها المتعلم والجاهل فلا بد من مراعاة جميع هذه الفئات والموازنة بينها جميعا وهذا يقتضي من الخطيب أن يعد الخطبة الجزلة المفيدة القصيرة المختصرة التي يستوعبها الحاضرون ولا يملون ولا Yamallunaha. Donc le cheikh il dit la Jumu'ah c'est quelque chose qui est obligatoire pour ceux qui viennent l'écouter, et il y a toutes sortes de monde. Il y en a qui sont des bédouins, il y en a qui sont des gens de la ville, on peut dire des gens des bédouins, et les gens de la ville ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas le même niveau de compréhension. Et il y en a qui sont éduqués, il y en a qui sont ignorants. Donc il faut tenir compte de toutes les catégories de personnes qui vont venir. Si tu commences à parler d'une façon très soutenue, puis avec seulement dans le sens que tu vas juste utiliser des termes mustalahat compliqués que les awam connaissent pas, ils comprennent pas de quoi tu parles, ils vont pas profiter de ta khutba. Mais si tu parles juste des choses sans expliquer clairement des détails, des fois les gens éduqués vont pas non plus profiter beaucoup. Ils vont sortir avec un rappel général, peut-être ils vont s'ennuyer. Donc il faut que ta khutba soit équilibrée et que tu tiennes compte de tout le monde qui vient écouter en même temps. Il y a des gens comme ça, malheureusement ils veulent juste prendre un côté et laisser les autres. Donc ils disent, moi là je tiens compte des awam, donc moi je vais faire une khutba, je vais juste faire toujours simple, toujours général, et je ne vais pas expliquer des choses un peu plus compliquées. Et il y en a d'autres, ils veulent jamais faire des choses simples, claires, des choses claires pour tout le monde. Ils veulent juste faire comme si tout le monde était éduqué. Alors qu'il y a plein de gens dans la mosquée, c'est des awam, ne connaissent pas les termes islamiques, des sciences islamiques. Ils sortent et ils n'ont rien compris. Donc il faut tenir compte des deux. Hein, et pas juste une catégorie, une partie de l'auditoire de cette khutba. Après, il dit « Wal wajibu alayhim an yuqassiru al-khutba » ويطيل الصلاة ولا يفعل وأن لا يفعل العكس فبعضهم يخطب ساعة كاملة دون توقف وينصرف الناس ولم يستفيدوا شيئا وإنما استفادوا التعب والسآمة والملل ثم إذا جاءت الصلاة صلاها سريعة فيقرأ في كل ركعة آية أو آيتين أو صورة قصيرة فيكون قد خالف السنة مخالفة واضحة. Donc le cheikh il dit l'obligation pour eux, c'est-à-dire les imams, c'est qu'ils raccourcissent la khutba et qu'ils prient une salat qui est plus longue, pas le contraire. Il dit que tu vois certains imams, ils vont faire une khutba d'une heure sans arrêt, puis les gens s'en vont de la khutba, ils n'ont rien profité, ils n'ont rien retenu. Ils ont seulement profité quoi? De la fatigue et de l'ennui. Hein? Et donc, quand arrive l'heure de la salat, ils prient une prière courte, rapide, ils récitent un verset ou deux, ou une sourate qui est très courte, et ça c'est le contraire de la sunna. Et ça, c'est une contradiction qui est claire. Mais dans ce cas-là, si la personne dit, les gens vont aller travailler, donc on va juste réciter « Qul huwa Allahu Ahad ». Dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas raccourci la khutba? Comme ça, ils pourraient lire plus que Qul huwa Allahu Ahad et laisser le temps aux gens d'aller travailler par la suite. Donc, il y a toujours un moyen. Tu vois? Et après le cheikh il dit wa qawluhu wa inna min al-bayan la sihra, يعني ليس المقصود هو كثرة الكلام وإنما المقصود البيان. البيان الذي يعني يستميل الناس ويأخذ بألبابهم ويؤثر فيهم، هذا هو من السحر الحلال، من السحر الحلال. الشيخ الزي البروفيسور صلى الله عليه وسلم قال qu'est-ce qu'il y a des façons de s'exprimer qui sont magiques. C'est comme c'est comme quelque chose qui est envoûtant. La façon comment certaines personnes s'expriment, comment ils parlent, ils ont du charisme, ils parlent clairement, ils s'expriment bien, ils savent présenter les idées avec une simplicité puis une clarté qui captive les gens. Donc le cheikh il dit, c'est pas la quantité de paroles qui est importante, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de clarifier comme il faut aux gens. Et donc il dit, si la personne elle clarifie d'une manière qui attire les gens et qui prend leur esprit et qui a un effet sur eux, ça c'est une forme d'envoûtement, de magie, de sihr halal. Hein? Parce que le sihr c'est kufr, c'est clair, mais là c'est pas du sihr pour de vrai, c'est juste une façon de dire comment les gens sont, peuvent être envoûtés et captivés par le discours de quelqu'un lorsqu'il parle bien, lorsqu'il explique bien. Et il dit وَقَوْلُهُ فَقَدْ جَعَلَ طُولَ الصَّلَاةِ عَلَامَةً عَلَى فِقْهِ الرَّجُلِ وَأَمَرَ بِإِطَالَتِهَا وَهَذَا استدلال من الشيخ على إطالة كل صلاة فهو يقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرى بإطالة الجمعة مع كثرة الجمع وشدة الحر في بعض الأحيان والناس فيهم من حضر مبكرا وهو بحاجة للخروج ومع هذا كله يطيل الصلاة فدل على أن إطالة بقية الصلوات آكد من غيرها. Donc, le cheikh, il dit, en ce qui concerne la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de prolonger la salat, et il a dit que c'est un signe de la compréhension de l'homme, il a ordonné de la prolonger, il dit que Cheikh al-Islam, il est en train d'utiliser ça comme un argument pour dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prolonger la salat de Jumu'ah, alors qu'il y a beaucoup de monde, il y a des faibles, il y a des personnes âgées, il y a des gens occupés, et il fait très chaud parfois, et tout le monde sont réunis des fois depuis très tôt et ils ont besoin de s'en aller, et malgré tout le prophète s'est ordonné de prolonger la salat. Donc il dit ça, c'est une preuve qu'on peut prolonger la salat et qu'on doit prolonger la salat de toutes les prières, pas seulement de Jumu'ah. Ça c'est comme un argument que Cheikh al-Islam a ramené à ce sujet-là. Ensuite il dit وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا. Donc Cheikh al-Islam maintenant il continue et là il explique pourquoi depuis plusieurs cours, on a fait plusieurs pages maintenant, je ne me rappelle plus même quand est-ce qu'on a commencé, je pense que c'était en cours 68, peut-être même avant, on a commencé à parler de la salat et de la longueur de la prière. Donc pourquoi on a parlé de tout ça? Le cheikh il explique, il dit وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا تَفْسِيرًا لِمَا فِي حَدِيثِ أَنَسْ مِنْ تَقْدِيرِ صَلَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَدْ يَحْسِبُ مَنْ يَسْمَعُ هَذِهِ الْحَدِيثَ أَنَّ فِيهَا نَوْعُ تَنَاقُضُ أو يتمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل بعد ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. Donc on va traduire ça, on va continuer après. Il dit j'ai mentionné toute cette parole pour expliquer le hadith de Anas à propos de la durée de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que quelqu'un qui l'entende, qui entend ces hadiths-là, parce que les personnes qui entendent ces hadiths-là, peut-être qu'ils vont penser qu'il y a une contradiction. Ou bien il va prendre certains hadiths et il va laisser les autres. Ou bien il ignore la partie des hadiths auxquels il s'est accroché. Il dit, en ce qui concerne le hadith de Anas qu'on a mentionné précédemment, c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit La tushaddidu ala anfusikum, c'est-à-dire ne soyez pas trop dur envers vous-même, parce que Allah va être dur envers vous. Hein? Soyez pas trop dur envers vous-même, parce que sinon Allah va être dur envers vous. Il dit, il y a des gens, فَإِنَّ قَوْمَ شَدَّدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Il y a des gens, ils ont été trop durs envers eux-mêmes dans la religion, alors Allah a été dur envers eux. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. Voilà les restants de qu'est-ce qu'il y a d'eux dans les monastères et dans les maisons où ils adorent là, où ils font le monachisme qu'ils ont innové et que nous leur avions pas prescrit. Le monachisme, c'est-à-dire le fait de rester isolé dans les monastères juste pour prier seulement puis adorer Dieu, comme les moines. Et ça, c'est une innovation qu'on leur avait pas prescrit. Et donc, il y a une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être extrémiste dans la religion en exagérant et en ajoutant à ce qui est légiféré. Donc c'est très grave, hein, ce genre d'extrémisme. Et le cheikh, il dit « والتشدد تارة يكون بأخذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. » Donc le cheikh, il explique une forme d'extrémisme. Comment on peut comprendre c'est quoi? Il dit que l'exagération et l'extrémisme dans la religion, parfois, c'est quoi? C'est de prendre ce qui n'est pas obligatoire ni recommandé, okay, dans la religion, mais toi tu le mets au niveau de ce qui est obligatoire et recommandé dans les adorations. C'est-à-dire quelque chose, ce n'est pas obligatoire dans la religion, ce n'est pas recommandé par Allah ni par le messager. Toi tu le mets obligatoire ou recommandé. Hein? Donc ça, c'est de l'exagération, c'est de l'extrémisme. Ou bien aussi, c'est de prendre ce qui n'est pas haram, ni makruh. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit et ce n'est pas déconseillé. Mais toi, tu le mets au niveau de quelque chose qui est interdit ou déconseillé, alors que ça fait partie des choses qui sont permises. Ça, c'est des formes d'exagération et d'extrémisme. Il dit « وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ شَدَّدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ مِنَ النَّصَارَى شَدَّدُوا عليهم لذلك شدد الله عليهم لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. Donc le cheikh, il dit, et l'explication qu'il a mentionnée de ça à ce sujet, c'est qu'il y a des, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des gens parmi les chrétiens, ils ont exagéré envers eux-mêmes par rapport à la religion. Ils ont été trop durs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a été dur et sévère envers eux. Et ça les a amenés jusqu'à ce qu'ils inventent, hein, le monachisme. C'est-à-dire le fait de s'isoler dans les monastères, soi-disant pour adorer Allah et des choses de ce genre. Il dit « Wa fi hadha tabbih » على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة. Il dit, il y a dans ça une attention spéciale de la haine du prophète صلى الله عليه وسلم pour ce genre de monachisme que suivait, hein, de ce monachisme innové que les chrétiens ont suivi. وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين. Il dit que même si parmi nos adorateurs, c'est-à-dire parmi les musulmans, ceux qui se consacrent spécifiquement à faire beaucoup d'adoration, parmi eux, hein, comme ceux qui essaient de pencher vers le soufisme parfois, hein, la tendance soufie, eh bien il dit beaucoup d'entre eux sont tombés dans ce genre d'exagération-là et d'extrémisme-là. Certains d'entre eux ont mal interprété des choses et ils sont excusés. D'autres n'ont pas mal interprété des choses et ils ne seront pas excusés. Donc le cheikh, il explique maintenant, cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant. Il dit « قَوْلُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا تَفْسِيرًا لِمَا فِي حَدِيثِ أَنَسْ من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنما أطال الشيخ رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأن الناس أساءوا الفهم للأحاديث الواردة في صفتها، فمنهم من حمل التخفيف على ظاهره فخفف تخفيفا مخلا بالصلاة، ومنهم من حمل التطويل على ظاهره فأطال إطالة تشق على المأمومين. وكل هذا من سوء الفهم، فسننه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية لا تناقض فيها، وإنما يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. الشيخ التي كشيخ الإسلام ابن تيمية التي ك il a mentionné ça uniquement, il a mentionné qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la salat uniquement pour expliquer le hadith de Anas dans la longueur de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire que le cheikh il a parlé de ça longtemps, pourquoi hein, au sujet de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a parlé de ça longuement, c'est parce qu'il a vu que les gens avaient mal compris cette question et qu'ils avaient mal compris les hadiths qui ont été rapportés au sujet de la description de la salat. Parmi les gens, il y en a qui ont pris les hadiths qui parlent de l'allègement de la prière dans son sens apparent. Et donc ils ont allégé la prière d'une manière qui rend la prière déficiente. D'autres ont pris les hadiths qui parlent du prolongement de la prière dans son sens apparent. Et ils ont prolongé la prière d'une manière qui rend la solette trop lourde pour les gens. Et le cheikh il dit, donc tout ça, ça revient à la mauvaise compréhension. Parce que les sunnahs c'est-à-dire le pluriel du mot sunnah, les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient dans l'action, hein, dans l'application, il n'y a aucune contradiction entre elles. Il n'y a aucune contradiction entre les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles soient verbales ou dans l'application et dans l'exemple. Et il dit qu'elles se confirment les unes les autres et elles s'expliquent les unes les autres. Donc le cheikh explique maintenant, il dit فالمراد بالتخفيف التخفيف في الاتمام مع الاتمام التخفيف مع الاتمام وهو التخفيف الذي يرفع الحرج عن المأمومين ولا يخل بالصلاة والمراد بالتطويل اتمام الصلاة مع عدم المشقة على المأمومين وهذه هي الصفة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم فإنه كان يطيل الصلاة مع مراعاة أحوال المأمومين حتى أنه كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة رحمة بأمه. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par l'allègement de la prière dans la sunna? Ça veut dire de l'alléger mais en la gardant complète, de manière à ce que tu l'allèges pour enlever la difficulté pour les gens qui sont derrière toi, sans que ça rende la prière en question déficiente. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le prolongement de la salat? On veut dire qu'on va la compléter, la parfaire, sans que ça devienne trop lourd pour les gens qui prient derrière toi. Et ça, c'est un exemple de la description de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il prolongeait la salat, il tenait compte de la situation des gens qui étaient derrière lui. Jusqu'à ce que, parfois, il rentre dans la salat et il a envie de la prolonger. Il veut la faire plus longue. Il entend le bébé qui pleure et il la raccourcit pour que ce soit pas trop difficile pour la mère, par miséricorde pour elle. وقوله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم الشيخ رحمه الله عاد مرة أخرى ليبين مسألة مخالفة النصارى في رهبانيتهم فإن النصارى ابتدعوا التشدد في العبادة وترك الدنيا والتفرغ للعبادة وملازمة الصوامع والديارات. Donc le cheikh il dit, il a rapporté le hadith de Anas qu'on avait déjà mentionné à propos de l'exagération des chrétiens et de leur monachisme. Désolé Anasta. Comme vous avez pu deviner, je suis un petit peu grippé en ce moment. Allah m'staad. Donc le cheikh il dit, il a mentionné la question du hadith qui mentionne de contredire les chrétiens, de ne pas imiter les chrétiens dans leur monachisme. Parce que les chrétiens ont innové l'exagération dans l'adoration et l'abandonnement, le délaissement de la dunya pour s'adonner qu'à l'adoration seulement. Et le cheikh a dit, pour qu'ils veulent faire ça pour dire on va rester dans les monastères, les chrétiens à cause de ça ils ont dit on va rester dans les monastères, dans les cloîtres, et on va que prier Dieu seulement. Que adorer Allah tout le temps, 24 heures sur 24, on va rien faire d'autre, on va pas travailler, ou bien on va travailler mais toujours dans le monastère, on va pas avoir une femme, des enfants, on va pas avoir une famille, on va pas vivre avec les autres personnes dans la société, on s'isole complètement pour qu'on fasse que l'adoration. Et le cheikh il dit ça, c'est l'exemple du rouleau, de l'extrémisme des chrétiens. Et l'islam nous interdit de leur ressembler dans cet extrémisme-là. Et le cheikh il dit wa amma dinuna walillahi alhamd la tashaddud fi wa la tasahul. Subhanallah, le cheikh il dit dans notre religion à nous, l'islam, alhamdulillah, il n'y a pas d'extrémisme. Il n'y a pas d'extrémisme et il n'y a pas de laxisme non plus. C'est bizarre hein, quand tu vois que les koufars aujourd'hui, quand ils parlent d'extrémisme, ils parlent toujours de l'islam. Hein? Ils parlent toujours de la religion de l'islam, alors qu'en réalité, l'islam c'est la religion la plus modérée, la plus équilibrée. Comparée à toutes les autres religions sur terre, il n'y a pas une religion qui est plus équilibrée que l'islam. Il n'y a pas d'extrémisme dans l'islam, mais quand tu regardes les autres religions, christianisme, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, tu vois beaucoup de formes d'extrémisme. L'islam est innocent de ça. Hein? Et on pourrait donner plein d'exemples de ça. Juste l'exemple des monachismes et tout, les moines et tout, les sœurs religieuses et tout qui s'isolent dans les monastères, même si aujourd'hui il n'y en a pas autant qu'avant, à l'époque il y en avait beaucoup plus. Mais malgré tout, allez, ça c'est un exemple d'extrémisme. Mais ici au Québec, il y avait beaucoup de religieux, de religieuses, des congrégations, et des monastères, et des toutes sortes d'institutions. C'est eux-mêmes qui avaient le contrôle sur l'éducation et tout ce qui était médical, hein, les religieuses, c'était les enseignantes, c'était les infirmières. Hein? Puis elles faisaient ça bénévole, travaillaient pas de salaire, parce que ça faisait partie de leur soi-disant vocation. Donc c'est elles qui s'occupaient de ces choses-là. Et les prêtres, hein, les prêtres, les moines et tout ça, c'était eux qui faisaient ça. Mais regarde les résultats que ça a eu et les conséquences que ça a eu maintenant. Regardez à quel point la société maintenant veut plus rien savoir de la religion à cause de l'extrémisme qu'il y a eu dans le passé par rapport à ces soi-disant religieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive maintenant? Les gens se sont déchaînés contre la fausse religion du christianisme. Puis maintenant, ils sont devenus la plupart athées, hein, à cause des dépassements. Allah al-Musta'an. Et on a entendu plein d'exemples des crimes qu'ils ont fait à des enfants dans ce genre de milieu-là. Tout ça, ça nous indique que c'est la conséquence de l'extrémisme. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite innama huwa dinul wasat wal i'tidal. Dit notre religion à nous, l'islam, c'est la religion du juste milieu et de la modération. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam huwa khayru qudwatin li ummatihi wa kana yusalli wa yanam wa kana yasum wa yuftir wa yatazawwaj an-nisa wa la yatabattal ka tabattul ar-ruhban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple pour sa umma, et il priait parfois, c'est-à-dire parfois il priait la nuit et parfois il jeûnait, c'est-à-dire il priait la nuit, parfois il dormait la nuit. Il ne priait pas toute la nuit au complet, sans arrêt. Des fois il priait, des fois il dormait. Des fois il jeûnait en dehors du Ramadan, et des fois il ne jeûnait pas. Et il épousait des femmes, il ne restait pas comme ça, il est célibataire, comme les prêtres, catholiques qui restent célibataires toute leur vie, et les religieuses, hein, qui restent célibataires toute leur vie, elles choisissent de rester comme ça. Puis elles pensent que ça c'est la piété, que c'est bien de ne pas se marier, que tu vas être plus proche de Dieu, alors que tous les prophètes ont eu des familles et des enfants, hein, se sont mariés. Et aussi une chose aussi que je voudrais mentionner par rapport à ça, le fait que l'islam c'est la religion de la modération. Souvent on entend ça en France par exemple maintenant, surtout avec qu'est-ce qui s'est passé comme acte terroriste de la part des extrémistes et des khawarij. Donc ils disent pour eux l'islam c'est l'exemple de ce que par exemple pratiquent yani les personnes âgées, les vieux et les anciens qui sont venus en France au début pour l'immigration, hein. Les premiers musulmans qui sont venus en France pour travailler, ils ont fait venir plein de main-d'œuvre, les Français, pour venir en France pour construire leurs immeubles parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Et ils trouvaient personne parmi les Français qui voulaient faire ce travail-là, donc ils ont fait rentrer plein de musulmans de l'Afrique du Nord, hein, d'Afrique de l'Ouest. Quand ils sont arrivés, ils les ont fait travailler, mais il y en a qui sont restés, plein de familles qui sont restées. Hein? Une fois qu'ils sont restés maintenant, bien entendu, il faut qu'ils commencent à prier, il faut qu'ils commencent à pratiquer leur religion. Ils ont des enfants, ils se marient, il faut qu'ils s'installent. Mais ça a l'air que les Français de l'époque, quand ils ont commencé à faire ce projet, ils n'avaient pas pensé à long terme. Qu'est-ce qui allait arriver plus tard? Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est les conséquences de ça, de leur mauvaise compréhension, de leur mauvais jugement. Maintenant, ils essaient de mettre le temps sur le dos des musulmans. Bon, si par exemple, quand tu regardes à l'époque, les premiers musulmans qui sont venus, c'était pas des musulmans éduqués. C'était pas des musulmans qui avaient une connaissance religieuse très approfondie des questions religieuses et des principes de l'islam. Donc, ils pratiquaient la religion de l'islam selon ce qu'ils avaient appris. Hein, de leurs parents ou de leur pays, et ils continuaient à pratiquer ça. Mais si aujourd'hui des jeunes, alhamdoulilah, qui, parce que les Français eux se sont dit on va les assimiler, hein, on va les assimiler, ils vont devenir comme nous, ils vont plus vouloir pratiquer leur religion, on va les libérer de leur religion, ils vont laisser tomber ça, les femmes vont plus vouloir porter le voile, les jeunes, les nouvelles générations, on va les faire devenir comme des vrais Français, mécréens, athées, comme nous. Mais c'est pas ça ce qui s'est passé. Au contraire, les jeunes ont voulu s'accrocher encore plus à leur islam, commencer à apprendre leur religion, commencer à vouloir apprendre l'arabe, commencer à vouloir pratiquer l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui les a dérangés alors. Maintenant, ils ont commencé à dire, bon, ça, là, c'est du radicalisme, ou ça, c'est de l'intégrisme, ou ça, c'est de ci et de ça. Mais maintenant, ils mélangent tout. Ils font plus la distinction entre le simple musulman qui veut apprendre sa religion et la pratiquer, suivre la sunna, hein, et appeler à ça, puis les extrémistes qui veulent faire des actes de terrorisme et détruire tout et tuer tout le monde. Et ils mélangent les deux. Donc ça, c'est juste pour dire, l'islam, si on la connaît comme il faut et on l'applique telle qu'elle a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivie par les sahaba dans leur compréhension et dans leur méthodologie, ça c'est de la modération. C'est pas de l'extrémisme, c'est pas du fanatisme, c'est pas du radicalisme, c'est pas de l'intégrisme, c'est pas de l'islamisme, c'est pas de je sais pas quoi, comment eux ils veulent l'appeler. C'est l'islam, c'est tout. D'accord? Donc c'est ça qu'ils doivent comprendre. Le fait de vouloir que la femme veuille se voiler, porter le djilbab, même se couvrir le visage, ça là, c'est pas de l'extrémisme. Hein, c'est l'islam. Donc c'est ça qu'on doit comprendre, mais on ne doit pas prendre comme modèle, comme exemple, des gens qui ne représentent pas bien comme il faut ce que signifie réellement l'islam. Puis prendre eux comme exemple pour dire, si les musulmans ne pratiquent pas leur islam comme leurs grands-pères ou comme leurs ancêtres, qui étaient ignorants ou bien qui avaient des manquements ou des limites dans leur connaissance, c'est-à-dire eux c'est des extrémistes. Non, ça c'est... Hein, c'est de l'injustice de juger comme ça. Le cheikh il dit ensuite, « Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, هو خير قدوة لأمته وكان يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ولا يتبتل كتبتل الرهبان فأعطى النفس حقها من الراحة وما فطرها الله عليه وأدى العبادة على وجهها فجمع بين الأمرين بين التخفيف على النفس وملازمة العبادة. Donc le cheikh il dit, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné à l'âme son droit de se reposer, et ça c'est le droit que, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'âme comme droit, et c'est ça que, c'est sur ça que Allah l'a créé, c'est sa nature, hein? Et il a dit, et il a également ordonné qu'on établisse l'adoration comme elle a été ordonnée d'être appliquée. Donc il a réuni entre deux choses, d'alléger la charge sur l'âme et d'établir l'adoration de manière équilibrée pour qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre, hein, puis qui écrase l'autre, hein. Donc c'est ça, c'est dans ce sens là que le cheikh explique que l'islam c'est une religion modérée et équilibrée. Il y en a qui veulent écraser leur âme, puis ils ne lui donnent aucun droit, hein, donc ils se font que l'adoration, l'adoration, l'adoration, puis il y en a d'autres que, yani, c'est le contraire, yani, ils veulent, yani, suivre leur, hein, uniquement, yani, s'écarter de l'adoration, puis uniquement vivre pour la dunya, ça c'est un autre extrême. Donc c'est pas ces deux extrêmes là qu'on doit prendre, mais c'est le juste milieu. On va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera cette explication la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.